des amoureux s'emballer devant mes yeux. J'entends les cliquetis de langues étourdies. Je ne sais pas jouer à ces jeux interdits. Paraît que c'est très facile, qu'il suffit d'écouter. Je croise des amoureux packs sur des bancs publics. Sur des nuages aussi, ça me rend malheureux. Est-ce que je suis cynique ou sont-ils vraiment neuneux? On m'appelle le renégat, les gars, les gars. C'est pas des conneries, ne rie, ne rie, ne riez pas. Mais pourquoi n'ont-elles Dieu que pour d'autres mines, d'autres mines? Je suis un renégat, les gars, les gars, les gars. La vie, la vie. Je suis un renégat en marge de la vie. Je vis comme un paria, mais qui m'a mis ici? Je ne rase pas que les murs, beaucoup d'esprits aussi. Qu'on me jette en pâture, c'est sûr, si je n'ai pas d'amis. Sur qui me reposer, parler et pavasser? Mais je ne trouve pas le cœur qui me va. Je marche dans la rue et je ne croise pas une femme à qui j'ai plus un regard qui me va. On m'appelle le renégat, les gars, les gars, les gars. C'est pas des foutaises, taises, taises, taises. Et vous, je suis un renégat, les gars, les gars, les gars. Bordel, bordel. Je vois des amoureux s'emballer devant mes yeux. J'entends les cliquetis de langues étourdies. Je croise des amoureux packs sur des bancs publics. Sur des nuages aussi, ça me rend malheureux. Je ne sais pas jouer à ces jeux interdits. Paraît que c'est très facile, qu'il suffit d'écouter. Pourtant je tends l'oreille, j'ouvre grand mes paupières. J'attends que le hasard fasse bien les choses. On m'appelle le renégat, les gars, les gars, les gars. C'est pas des conneries, ne rie, ne rie, ne riez pas. Pourquoi n'ont-elles Dieu que pour d'autres mines? Je suis un renégat, les gars, les gars, les gars. Ne riez pas, ne riez pas. Un renégat, les gars.